Charogne est un jeu que l'on peut considérer comme un jeu à secret, dans le sens où certains éléments seront à découvrir en jeu. Au début du jeu, vous n'avez connaissance que de ce qui est porté sur les deux feuilles que vous avez l'un et l'autre. Et au verso de celle-ci, vous avez le domaine ou les éléments que vous pourrez mettre en œuvre dans le cadre du jeu lui-même. Par rapport à un jeu traditionnel, il y a un EJ, en l'occurrence la confidente, dont j'assumerai le rôle. Vous allez créer un personnage, un avatar, et pour le créer, vous aurez les phrases que vous compléterez sur cette feuille, au recto de la feuille. Le jeu mettra en œuvre une histoire qu'on va bâtir ensemble. Du point de vue des mécaniques, vous avez vu placer sur la table des pierres blanches. Il y aura en jeu des dés, des pierres. Je vous indiquerai quand nous utiliserons les dés et selon quelle modalité, le moment venu. Un D8, l'occurrence. Un autre moment, on pourra mettre en œuvre ou utiliser un D20. Là encore, le moment venu, je vous dirai selon quelle modalité, mais pour l'essentiel, j'ai repris le dispositif qui prévalait dans Fripouille ou Sève. Les paradigmes en usage pour définir l'univers dans lequel vos personnages vont évoluer sont ceux que vous commencez à connaître pour les avoir entendus à maintes reprises. Notre monde tombe en ruine, la forêt envahit tout, l'oubli nous ronge. L'égrégore donne corps à nos peurs, l'emprise transforme tout. Les orlas se tiennent tapis près de nous. Vous créez vos personnages, vous allez les créer d'après deux axes en fait principaux. Le premier axe, c'est l'énoncé de la première phrase, ou du moins le sujet de la première phrase. Vous avez constaté qu'il s'agit d'un pluriel, et ce pluriel s'entend à votre choix, de votre communauté, la communauté que vous formez, vous deux, et vos proches immédiats, que vous imaginerez, ou votre communauté en général, au-delà de vous-même. Ensuite, toutes les autres phrases sont identiques dans leur composition. Je suis lié par la parole. On pourrait entendre plus simplement par là que le « nous » est celui de la communauté, et le « je » est celui de l'âme du personnage. Donc l'âme qui s'exprime et qui va exprimer à quoi elle est liée par la parole. Alors ce lien par la parole, c'est un lien qui aura un caractère solennel. Je vous renvoie pour cela au paradigme de Milvaux que je viens de vous lire, mais qui sont présents sur l'écran, de part et d'autre, ou de partie. Et donc la parole, c'est ce qui demeure des souvenirs, et des attaches, des liens affectifs ou des croyances ou des émanations de la volonté des personnages. Donc ce sont les vérités, les points incontournables qui constituent les ferments de cette âme. C'est vous, en tant que joueur, qui allez définir ce par quoi votre personnage est lié au monde. Alors ça peut être à votre convenance, il peut être lié par la parole, et là vous faites travailler votre imagination avec du vivant, d'autres hommes, la nature ou ses émanations. Donc, ça comprend les bêtes, les végétaux, une terre, ce qui vous sierra. Ça peut être également un objet, il faudra faire preuve de plus d'imagination, mais ce seront les éléments par lesquels votre personnage sera lié pour le reste du voyage que propose Charon. J'ai mis au verso donc des phrases. Je vous invite à en prendre connaissance. Le dispositif est en partie secret, il y a une part à découvrir en jeu. L'emprise que votre personnage pourra exercer sur le monde qui l'entoure. Et les mécaniques que sous-tendent ces phrases. La parole est reine. Ce que la parole a accordé, seule une parole plus puissante encore peut la reprendre. Je rêve, mais je ne suis pas maître de mon rêve. Je vogue sur les flots de l'oubli à la recherche de souvenirs. Je perds de réminiscence, de bienfaits qui dissiperont les ténèbres qui s'amassent autour de moi. La mécanique demeure obscure, tels les rêves demeurent abscons. Pleurer les mots. C'est volontairement cryptique, ça fait partie du dispositif. Il y a déjà un truc qui me fait tilter, j'ai une phrase, c'est la troisième. Je rêve, mais je ne suis pas maître de son rêve. Donc, alors, je suis le premier jeu avec par lequel on avait joué, mais c'était un jeu où on était dans un rêve déjà, et je me demande est-ce qu'il n'y a pas un lien ce jeu-là. Enfin, c'était dans la culture celtique, c'était pas du tout nivalien, mais est-ce que c'est pas un peu en lien avec ce jeu? J'ai plus le nom en tête du tout. Alors, le jeu, c'est intitulé Mori. C'est ça. Il partage déjà l'aspect des pierres, mais dans Mori, vous aviez. Un partage physique des pierres entre pierres blanches et pierres noires qui était énoncé dès le départ. Là, vous n'avez que des pierres blanches à votre disposition qui vont vous permettre d'intervenir. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres éléments, j'ai dit que vous verrez en cours de jeu. Par ailleurs, j'ai ouvert le petit boîtier, donc on peut supposer que je vais l'utiliser. Donc, il y aura probablement un jeu des pierres noires, mais ça recoupe pas la même mécanique que dans Mori. De quelle pierre tu parles, je vois aucune. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vous dis pas. Enfin, je ne dis pas que je répondrai à toutes, parce que dans le dispositif, c'est un dispositif qui se veut volontairement obscur sur les mécaniques. Ça implique de la part des joueurs, de se laisser porter et de faire, alors pas une confiance aveugle, mais d'accepter de se laisser mener dans le jeu sans avoir à l'avance les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu as d'autres réflexions, non. Gabriel, puisque tu as déjà fait part d'un élément? Non, pas spécifique. Donc, vous allez procéder à la création de vos personnages. Alors, vous pouvez juger que vous avez très peu d'éléments, je le conçois, mais tout en disant cela, je ne vais pas vous donner d'autres éléments puisque vous pourriez me poser comme question. C'est à vous de vous songer à aller dans tel sens et moi je pourrais vous dire au travers de vous, en questionnant ou envisager ce que cela pourrait impliquer dans la partie. Je vais recueillir les confidences de vos personnages et donc j'aurai une attitude bienveillante, même si je vais vous proposer un cadre et que je vais agir sur. J'aurai autorité sur les décors et les figurants, de façon très classique. Et vous aurez autorité sur ce que vous jugerez bon d'avoir autorité au travers des phrases que vous allez créer, des liens que vous allez créer, des ancrages qu'auront votre personnage. C'est l'exercice de sa volonté sur le monde, son emprise, comme j'ai dit. Mais pas dans le sens habituel que l'on prête à l'emprise, le virus mutagène dans l'univers de nouveau. Là, c'est l'emprise du personnage sur le monde qui l'entoure. Pour l'essentiel, ou en première instance, ce sera plutôt l'emprise sur le monde vivant. Il n'y a rien de plus interdit d'avoir un attachement particulier à des autres. un serment, un ancrage qui ferait que ce serait l'un des 8 points essentiels qui constitueraient votre personnage. Vous aurez par ailleurs noté que sur la feuille, il n'y a pas d'emplacement pour nom, espèce, ce genre de choses. Il n'y a pas non plus d'aspect inventaire. Alors, j'ai une question, est-ce qu'on peut faire que un lien et puis mettre un... là sur tout cela? On est obligé de corriger. Vous devez créer 8 liens. Les liens qu'on doit noter, c'est n'importe lesquels? Alors, ça peut être n'importe quoi, comme tu l'as formulé hors micro. Pour peu que tu puisses imaginer que ton personnage et un attachement tel qu'il puisse, dans sa tête, en avoir fait un serment, comme le ferait un enfant. C'est jurer, cracher. Quelque chose. Un serment de protection, de toute autre chose assimilable envers quelque chose, quelqu'un ou un concept, c'est ça? Exactement. C'est quelque chose qui, du point de vue du personnage, est indissociable de lui-même. Nous sommes liés par la parole à la cocarde. Je suis lié par la... parole à Sieur l'écureuil, je suis lié par la parole à la paix, je suis lié par la parole à Piotr, je suis lié par la parole à la vallée, je suis lié par la parole à la vérité, je suis lié par la parole à Karl, je suis lié par la parole à l'antenne. Pour chacun des éléments, tu as pensé à un contexte, tu as imaginé un contexte. Une symbolique derrière. D'accord. Ceux qui sont. Enfin, rien que déjà que la cocarde. Enfin, pour nous francophones, je pense que c'est plus facile à comprendre que. Enfin, c'est plus les variés. Les valeurs qu'il y a derrière que la. Alors, qu'est-ce que tu. Est-ce qu'on va utiliser ces phrases, tu auras compris, dans la. Dans le cheminement du personnage? Donc, en fermant sur une symbolique étroite, tu risques... Elle n'est pas trop étroite, en fait, il y a une... Alors, quel sens prêtes-tu à... Je suis lié à la coca. C'est aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est les trois valeurs. Et plutôt que de dire liberté, égalité, fraternité, je trouvais ça peut-être moins lourd que de dire juste la cocarde. Enfin, c'est une idée en... C'est un amalgame d'idées, mais qui forme une idée en soi. Mais... D'accord. Et donc, tu vas avoir un symbole sur toi qui symbolise ces valeurs. Donc justement, une cocarde ou un badge quelconque. D'accord. Donc, de ta plus belle écriture, tu vas le formaliser sur la feuille. Et si je te demande de l'écrire avec l'encre, c'est dans le sens du graveau gaulois, c'est fixé. D'accord ? Ah, déjà, première chose avant de c'est pourquoi je te posais la question de sur la cocarde, quel sens tu lui prêtais ? Pareil, à chaque fois, il y a plusieurs lectures possibles pour... Enfin, à part la paix et la vérité. Enfin, et même la vérité, ça peut en soi être le nom d'un vieux journal que j'ai trouvé. Mais pour moi, là, c'est seulement les concepts. Mais par exemple, sur l'écureuil, ça peut être vu comme un véritable écureuil. Ou le surnom de quelqu'un. Ou encore la nature. Enfin, le... Ce sera à toi de me l'interpréter. Je t'ai donné des éléments sur le contexte. Maintenant, je souhaite que tu le formalises en l'écrivant. Périple de Charonne.